On s'enregistre là? Oui. Non, on s'enregistre pas. Si. Et on est déjà 30 secondes. Très bien. Waouh. C'est bon? J'avais pris les trop belles de lui. Mais on attend toi en fait. Non, on attend Biel et Aurélien qui sont en train de parler avec l'autre con là qui. C'est pour ça que je te dis. Oui. Pourriez laisser l'animateur, s'il vous plaît? Qui parle? Et c'est moi? C'est toi qui me parle. Oui, Bilal, t'es beau et tout. Non, c'est bon, on est là, on est ensemble. On est là. Je suis beau comme ça. Un peu de pudeur. Jouer. Bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième des émissions. Je m'appelle Antoine et je suis très heureux que vous ayez osé cliquer sur ce lien. Donc aujourd'hui, en hommage à la journée de la femme, j'ai trois candidats masculins pour prouver à quel point les femmes nous manquent si elles n'étaient pas là. Et aussi parce qu'elles m'ont toutes refusé pour c'est venir. C'est un trop de merde. Tu sais que je la travaille sur continuons, continuons, continuons. Quand tu commences par « Oh, cette journée de la femme », tu sais que ça va être de la merde. De toute façon, tu sais que peu importe ce que tu vas dire, ça va être nul. Ouais, mais au début, je voulais faire « Ouais, vaisselle, tout ça », mais non, mais en fait, c'est juste qu'elles m'ont... Ça aurait été mieux. Elles m'ont toutes envoyé chier. Une par une, d'ailleurs, si elles m'écoutent, je les emmerde toutes. Parce qu'elles, franchement... Je me retrouve avec toujours les trois mêmes baltringues. Ouais, mais c'est trois baltringues, hein. Donc. C'est trois baltringues, bienvenue à tous. On a donc Bilal, salut. Double vainqueur de la désémission. Ça va, Bilal? Oh, toujours bien, moi, tu sais. Bien, toujours au chômage. Merci. On a Alexis, double perdant de la désémission. Oui, je reconnais ça que va, je suis un peu lassé par rapport à ça. Comme mes chaussures. Voilà. Je suis sûr que tu l'as prévu. Non, mais c'est oui, dit, tu veux la faire. Ah, oui. Toujours au chômage, Alexis? Oui, toujours, toujours, ça se passe bien. Tu cherches quoi? Peut-être qu'il y a un auditeur? Non, ta gueule. Et Aurélien, qui a perdu une fois à la désémission, mais c'est parce qu'il était en équipe avec Alexis. Bonjour, ta gueule, et je ne veux plus jamais être avec Alexis. Je t'aime. Donc voilà, l'émission qui fait avancer la France a gagné ce mois-ci une victoire de la musique, puisqu'après tout, on la donne à n'importe qui, donc pourquoi pas vous, hein? Moi, j'y crois, surtout Alexis. Oh, ce pavé dans la mare. Moi, écoutez la fourmilière. De toute façon, les victoires de la musique, c'est plus ce que c'était, quoi. Non, ça n'a jamais été rien du tout, les victoires de la musique, surtout. Moi, c'est déjà une victoire. Quoi? Merci, tu sais, c'est le mec dans les bureaux qui vient, quand, à chaque fois qu'il passe à côté de ton bureau, il essaie de faire une vanne, tu vois. Puis tu souris pour lui faire plaisir, quoi. T'es gênant, je peux plus la sourire. Je peux plus. Donc, je vous rappelle, même si vous avez tous déjà fait la désémission, il y a 5 phases. Le début, la suite, le milieu, la presque fin et la fin. Ah. Une bonne réponse, c'est un point. Et il y a un petit changement ce mois-ci, je me suis fait plaisir. Il n'y aura que 2 de vous 3 qui vont participer à la dernière manche. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui sera éliminé. Ok, donc encore élément de la presque finale, fin. Ouais, vas-y. Donc, c'est plus la Méditerranée, c'est la manche maintenant. Oh, mais arrête! Mais il se force en plus, là, c'est arrête. Et donc, il y en a un qui se fait chier à la fin, donc. Voilà, c'est... Non, okay. Il sera pas chier, il aura un rôle. Ah. Il aura un rôle. Il a un rôle, genre... Il a un rôle, ouais. Ah. Dans le prochain film de DiCaprio. Je te crois pas. Je veux pas y être. Pourquoi? Ah, t'as vu The Revenant, t'as trouvé ça. J'aime pas. J'aime pas. Bien. T'es jaloux de l'ours. Donc. J'encule l'ours, moi. Oui, vas-y. On va commencer avec le début, donc 12 questions sur l'actualité. 12 questions sur l'actualité, je vous rappelle tous, il y a un thème, exemple, culture, une question basée sur un fait d'actualité, par ça exemple. Ça va, culture, tu comprends? Ouais, je comprends, ça me dit quelque chose. DiCaprio a gagné un Oscar en février, et après ça peut être une question sur DiCaprio. Et d'ailleurs, il jouait dans le film d'Alejandro Iñárritu. Ah oui, j'ai vu. Ouais, Iñárritu, ouais. C'est pas Alfonso. C'est Alfonso, c'est d'ailleurs, non, c'était Pedro Lito, je crois. Pourquoi je vois pas comment parler de ça, monsieur? C'est un sale Mexique. C'est bon, t'as gagné en plus, que tu viens de plaindre après des questions. C'est un scandale, tous les soirs j'y pense avant de m'endormir. En plus, après, je t'ai demandé de dire un deuxième truc, t'as pas trouvé. Ah oui, mais j'avais juste Iñárritu, c'est son nom. Donc, 12 questions. Sur l'actualité, alors en fait, j'ai dit une connerie juste avant, mais je veux dire à Bilal de la couper, mais il va pas la couper, parce que voilà. Dès que j'ai dit de couper un truc, il le coupe pas, il le laisse pour que j'ai l'air con. J'ai coupé mon prépuce déjà, j'ai fait beaucoup pour toi. Oh putain. C'est-à-dire que... Ah ouais. Bien. Là, une question ne vaut pas un point, vous aurez donc 4 questions chacun. Mm-hmm. Vous me suivez? Ouais. Si vous répondez bien, une bonne réponse, si sur les 4 questions vous avez une bonne réponse, vous aurez plus 1 point. Si vous répondez à 2 bonnes réponses, vous aurez 3 points. On répond. 3 bonnes réponses, 6 points. 4 bonnes réponses, 10 points. Ouais, je m'en fous, je réponds. Ok, c'est bon. Oui, pareil. Je vous le dis. Non, parce que vous vous en foutez, mais il y a des gens. Je suis sûr qu'il y a un ou deux auditeurs qui sont là. À compter les points. Et qui, ouais, ouais, je pense qu'ils sont sur Excel. Ils ont mis vos prénoms. S'il y en a qui font ça, je les admire. Vous pouvez me contacter. Déjà, il y a Excel. Donc on fera des tableurs ensemble. Ah, moi j'adore Excel. Bien. Excel comme un tableur. Pour savoir qui commence, le premier qui me dit qu'il est le dernier commencera. Je suis dernier. Putain, t'es forte. Je suis dernier aussi. Tu commenceras. Aurélien, tu seras deuxième. Ah non. Et Alexis, tu joueras en troisième. Bilal, dis-moi un chiffre entre 1 et 12, je t'en prie. 7. 7. Belle ville. C'est un fameux 3 mois, fin Comerado. Je pense que ça va être encore ça pendant 2 heures. Hein, 3. Ah ouais, putain. 3 aussi, tu vas la faire ? On verra. International. Le 20 février, une tempête a ravagé les îles Fidji. Quel autre pays du Pacifique est passé directement du 29 au 31 décembre 2011 pour se mettre à la même dette que ses principaux partenaires économiques ? Alors ça, tu vois, quand je fais les questions, il y a toujours une question de pute. C'est ça. Et voilà. Ok, très bien. Alors, on va déjà aller, hein, sur la map monde de notre tête, dans le Pacifique. Alors, le Pacifique, c'est près de l'Atlantique. Hop. C'est à la droite de l'Australie, qui a rejoint la gauche des États-Unis. La gauche des États-Unis. Tu peux répéter juste la question ? Oui, je l'ai pas compris. T'es géomètre. Quel pays du Pacifique est passé directement du 29 au 31 décembre 2011 pour se mettre à la même date que ses partenaires économiques principaux ? L'Australie. Non, c'était les îles Samoa. La question pute, hein, je t'avais dit, c'est pas l'Australie. C'est un mec carré qui a dit oh, les îles, ça, moi. Non, mais sois pas net. Ça, j'aime bien. Ça, ah oui, ça, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Tu vois, tu te forces pas, ça vient tout seul. Non, mais sois pas net. Écoute ton sensei dans l'humour. Ouais, je suis naturel. J'ai pas révisé, moi. Dis-moi un chiffre. Il n'y a pas besoin de réviser. J'avais révisé les Samoa, moi. Deux. Société. Ah. J'adore ce fromage. Voilà, putain, il a déjà fait de la trois émissions tous les mois, tous les mois. Moi, j'aime pas trop, tu vois. Les gens l'attendent maintenant. Bah, je pense qu'il y a plein qui vont arrêter le podcast maintenant. C'est trop fort comme fromage. Le 15 février, le Conseil de Paris a décidé de rendre les Champs-Élysées piétons un jour par mois à partir de juillet. D'accord. Bonne réponse. En juin 42, qu'a largué un pilote de... Non, attends. J'ai déjà rigolé en l'écrivant. Qu'a largué un pilote d'avion britannique sur l'Arc de Triomphe en pleine occupation nazie. Je l'imagine avec son avion, il se casse. Après ça, les nazis. Ça pourrait être tout et n'importe quoi. Oui, mais c'est pas tout et n'importe quoi la réponse. Ah, il y avait un thème société déjà. Je crois que je savais. Ah, tu sais plus. J'en sais rien. Alors, c'est pas des chewing-gums parce que c'est un britannique. Ça servirait pas trop à grand chose. Non, mais sur l'Arc de Triomphe. Oui. Qu'a largué un pilote d'avion britannique sur l'Arc de Triomphe en pleine occupation nazie. La Tour Eiffel, il voulait faire des sculptures. C'est drôle ou pas ? J'ai pas t'aider non plus. Il me semble que c'est un drapeau. Non, c'est pas drôle. Ta gueule, c'est ça ? Mais ta gueule, là j'en sais rien moi. Un drapeau. Ah mais bon non plus. Un drapeau de la France. Très bonne réponse d'Aurélien. Super, merci Alexis. Vous êtes plus en équipe Alexis, moi aussi. C'est ça. Bah, non, juste mais... non mais c'était. Non, attends, il faut c'était pas sûr de la réponse. Non mais c'est pour savoir, tu vois. C'est lui qui nous a fait perdre la dernière fois en balançant YouPorn trop tôt. C'est pas la première fois. On va oublier cette histoire. Bah non, bah maintenant oui, tu m'as aidé, c'est gentil. Donc bien, une bonne réponse pour Aurélien. Merci. Bien joué. Alexis. 4. Le pays aussi. 4. Politique. Parfait. Le 17 février, Ségolène Royal a annoncé qu'elle succédait à Laurent Fabius au poste de présidente de la COP21. Eh oui. Lors de la campagne des législatives en 1988, qu'a-t-elle promis d'apporter aux paysans des Deux-Sèvres pour qu'ils puissent exporter le chabichou ? C'est quoi cette question de mélange ? Le chabichou. Apporter ? Bah, de l'argent ? Non, des cours d'anglais. Oh, ça clash. Tu as trouvé où cette question, toi ? Mais je l'ai trouvé, j'ai mes réseaux. Ah ouais ? Bilal. Oui ? Un numéro, au lieu de draguer ma meuf. J'ai plus besoin, tu sais. C'est pas comme chez toi ici, elle est pas bon. Oh. Si elle est scrupuleuse. Tu vois, ça, je vais pas couper pour que tout le monde voit à quel point t'es un gros facho. Ah non, je suis pas un facho en plus. Un fasciste de merde. Tu enlèves ton pins avec la flamme tricolore. J'aime beaucoup le taboulé. Non, il est facho. Allez, vas-y. J'en ai mangé hier. Ah bon ? Ouais, moi aussi. Bilal, bah oui, on a mangé ensemble, ça. Salon, vous êtes juif ? Alors vas-y, un chiffre, vas-y. Attends, je suis arabe, je connais pas les chiffres, même si on l'a inventé. Si tu l'as inventé. Je te rappelle que c'est les Indiens. Culture. Usurpateur. C'est la même chose, c'est pas blanc. Quelqu'un dit 3 ? Non. 3. Moi, j'ai dit 2. Insolite. Insolite. Le 14 février, un éléphant a abîmé 19 voitures en Chine après avoir perdu un duel pour une femelle. Ouais, j'étais énervé. En 2011, une scientifique britannique a découvert que les éléphants étaient effrayés par un insecte en particulier. Mais de quel insecte s'agit-il ? Pourquoi j'ai des questions comme ça, moi ? Moi, je dirais une fourmi. Il croit à ce qu'il dit, en plus. Mais en plus, pourquoi tu dis les réponses, petit ? Le gars, il croit qu'il est au 9 à la suite, là. Ça suffit, il faut pas dire les réponses. Alors ? C'est mal. C'est 9 points gagnants, c'est pas le 9 à la suite. C'est 4 à la suite ou le 9 points gagnants. Ah, moi, je joue une autre version, c'est pour ceux qui sont un peu meilleurs, tu vois. Un coléoptère. J'adore ce jeu. C'est le coléoptère. Coléoptère. Bon. Bah, 2 secondes, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, là, avec tous ces parasites autour de moi. Un parasite, c'est un insecte. Oui, vas-y. Je dirais la fourmi. Non, c'est l'abeille. Putain, mais je le savais, mais c'est l'autre, là. Avec tout. C'est l'abeille. Oh, putain. Aurélien. Oui. 8. 9. Bien joué. Sport. Yeah. Bah non, mais c'est mieux. Le 19 février, On a appris que Tony Parker a été le sportif français le mieux payé en 2015. Qui est le sportif le mieux payé au monde en 2015? C'est soit un golfeur, soit un boxeur. Mais je connais pas leur nom, donc je vais dire Cristiano Ronaldo. Non, c'est Floyd Mayweather. Ah, c'est un boxeur. Voilà, mais on s'en fout, je connais que Rocky. Putain, ta gueule, dis-moi un chiffre, Alexis. 8. 8. Personne ne le connaît. J'ai pas compris la vanne, moi. C'est van. Plus. Il n'y a pas de vanne. Ah, d'accord, c'est bon. Ah, bah, très bien. Science. Le 8 février, des chercheurs britanniques ont annoncé avoir mis au point un système permettant d'évaluer l'intelligence des chiens. Dans Boule et Bill, qui est le chien? Putain, voilà, pourquoi j'ai pas ça, moi? Est-ce que c'est pas à la hauteur? C'est Bill. Putain. Bonne réponse. Merci. Putain, j'aurais dit Boule, moi. J'aurais dit Boule. J'aurais dit Boule. Oui, bah, Boule, c'est marrant, oui. Ouais, c'est vrai, c'est... Merde. Couillé Bill. Couillé Bill. Pardon. Bilal, c'est à toi. Toujours pas de bonne réponse, Bilal. T'as un prénom de chien, fais en fait. Fais pas ça avec lui. Fais pas ça. Là, je me fais insulter de chien. Là c'était... je suis un arabe de merde. Et là, c'est quoi? Non, je te protège. Voilà, pourquoi j'ai <j'arrive. rire> Non, par contre, ça. T'aimes pas quand je te touche? Non. Ne me touche pas. Jamais. Jamais. Pose ta question. J'attends la question. Hein, j'attends ton numéro, surtout. Eh oui. Oui, c'est dans ça ce sens. Ça va peut-être un peu trop vite. Tu m'as pas fait la cour. Non, putain. Le 1. 1. Ah bah voilà, ça va te plaire ça. Culture. Le 4 février... Au Maghreb. Putain, j'ai essayé. Le 4 février, on a appris que Michel-Ange souffrait d'arthrose à la fin de sa vie. Avec Michel-Angelo, quels sont le nom des trois autres Tortues Ninja? Raphaël. Ça c'est du... Raffaello, quoi. Donatello, Raffaello, Michel-Angelo. Attends deux secondes, je suis en train de perdre mes moyens, là. J'ai pas beaucoup d'argent. Ah oui. Et Leonardo, voilà. Alors vas-y, répète. Parce que c'est les peintres. Donatello, oui. Raffaello, Michelangelo et Leonardo. Alors, oui, là, j'en appelle au grand jury de la désémission. C'est Raphaël. C'est Raphaël. Voilà, t'as vu, je me suis repris, là, c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est bon. Ah, bah, il n'y a rien tout. Hein. Non, mais... Oh, mais ça, en fait, t'es un connard, quoi. J'ai dit que je l'autre, il lui donne la réponse du drapeau. Oui, mais pas de chance, il a pas dit le pays. Moi, j'ai oublié une putain de lettre. C'est vrai qu'il a pas dit le pays, ça aurait pu être un drapeau du Zimbabwe. Bah ouais. Oui, on sait pas, en France. La Seconde Guerre mondiale, putain, c'est vrai que le Zimbabwe, dans la Seconde Guerre mondiale... Ça existait même pas. Le Zimbabwe dans le Vercors, c'était chaud, quand même, la bataille. Aurélien. Tu l'as, ton point de merde. Oui. Dis-moi un chiffre. Entre combien déjà? Entre, il te reste 5, oui, 6, 10, 11, 12. Elle est là, ma bouteille d'eau. 12. Économie. Oh non. Le 1er février, le gouvernement a lancé un site internet permettant de comparer les tarifs bancaires. Ouais, peut-être. Où se trouve le siège de la Banque mondiale? Simple. Ouais, très simple même. Données. La Banque mondiale? Oui. Ça a rapport avec le FMI? Je suis nul. Non, mais allez rigoler si vous voulez, mais... C'est pas marrant. C'est une blague, si vous rigolez. C'est plus pas... triste qu'autre chose, quoi. C'est pas... Voilà. C'est bon, je rigole. C'est vraiment... La Banque mondiale. Mais j'en sais foutre rien. C'est pas... J'ai envie de dire aux États-Unis, mais c'est pas ça du tout. Mais il faut une ville. Une ville, justement. Je pense qu'il faut une ville. Ah, New York. Washington. Merde. Washington, et le FMI fait partie de la Banque mondiale. De là-bas. Ok. Ça va alors, je sais pas. Alexis. Oui. Oh, ça va. 5, 6, 10, 11. Bien, t'as bien. Fait pire que ça. Quoi? 5, 6, 10, 11. Je vais dire 10 parce que j'aime bien. Merci. Attends, je le note au cas où il faut que je te fasse un cadeau, je te ferai un 10. Un 10 de My Brown. le 16 février, l'agence de la biomédecine a annoncé. C'est quoi cette question? L'agence de la biomédecine a annoncé qu'en 2015, le nombre de greffes a augmenté en France pour atteindre un rythme de 15 par jour. Mmh. Ça fait du bien. Quel est le seul organe humain capable de se régénérer? Seul. Ah oui, il y a un truc qui se régénère. Ah putain, je suis grosse quand même. c'est intéressant parce que je sais pas du coup. S'il y a un truc qui se régénère. Ah. Ah mais c'est des cellules, des neurones. Le seul organe. Ah c'est un organe. Mmh. Ah bah je vais changer de réponse alors. C'est les cellules d'un organe qui se régénère, oui. Ah merde. C'est quoi qui se régénère? Bah, le cerveau. Non, c'est le foie. Ah oui, je pensais bien que c'est un truc... Ah bah, ma foi. Ma foi, t'es baisé. Bon, vous avez tous une bonne réponse. C'est tout. Pour l'instant. Pourquoi tu me mets à côté de Laurent Ruquier, là, putain? De quoi? Il fait des balles. Très belle imitation. Ouais, bah, c'est Marc-Antoine Lebray, c'est pas moi. Bilal, 13, 5, 6 et 11. J'aime bien quand le sarcasme et tout. 5, 6 et 11. Je n'ai qu'un barre à du choix. Hein. 5. Ta gueule. Wow. Fait divers. Le 21 février, un détenu de Béziers s'est filmé avec l'application Periscope en disant que la prison ressemblait au Club Med. Dans un sous-marin, qu'est-ce qu'un Periscope? Club Med, fait divers. C'est ce qui permet de voir par-dessus l'eau quand t'es en dessous, quoi. Très bonne réponse. Petit tube début. Avec les miroirs. Il y en avait même dans les Happy Meal quand on était petit. Ah. Il y avait des mini périscopes. Non, mais en même temps, tout le monde sait ça, c'est quoi cette question? C'est les trucs des sous-marins. Ah, ça va, toi, avec. Attends, quand personne sait ça, je me fais engueuler. Quand tout le monde sait ça, je sais. Ouais, en fait, faut que je fasse des questions que tu sais et pas les autres. YouPorn. Aurélien, 8. Pardon, 6 et 11. 6. Oh, technologie. Vite ta mère. Le 24 février, Apple a répété ne pas vouloir déverrouiller ses iPhones malgré la demande du FBI dans le cadre d'une enquête. Quel est le code PIN le plus utilisé au monde? 1, 2, 3, 4. Bonne réponse. Yes. Ah, bien joué. J'ai cru que c'était les 4-0. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'aurais dit ça. C'est... Merde, j'allais dire c'est le mien. Bah oui, c'est le mien. C'est mon code PIN 1, 2, 3, 4. Oh non, mais dis pas ça, putain. Mais ça va, personne va venir me voler mon téléphone. Ouais, c'est ma carte bancaire, c'est mon numéro de carte bancaire. Ça, s'il y en a un qui a des numéros, il sait pour tout. C'est bon, il est peinard. Non, pas moi, non. Alexis. Oui. Média. Parce que du coup, t'as plus que 11. Oui, je sais. Oui. Le 12 février, la 15e saison de Koh-Lanta a été lancée. Ouais. Lors de la saison 5, quel animal attendant un petit a été capturé par Moundir avant qu'il ne soit obligé de le relâcher? C'était pas Moundir, mais c'était. Moundir, c'était moi, mais une femme. C'était ouais. Moon. Non, c'était pas Moundir. C'était Moundir. C'est une chèvre. Bonne réponse, mais c'était Moundir. C'est l'autre. C'est l'autre. Non, c'est pas Moundir. C'était Mohamed. Oui, non, c'est pas Moundir. C'est le mec aux cheveux courts. Est-ce que la régie peut vérifier, s'il vous plaît? Mais ça, c'est Julien Courbet. Oui. Ah, okay. Oui. Je vais pas demander d'appeler quelqu'un. Bien. Donc, à la fin. En tout cas, je me souviens de Mohamed qui voulait bouffer la chèvre. Oui, non, mais c'est ça. Avec son couteau, là. C'est pas Moundir. Hein. Non, mais Moundir, Mohamed, c'est bon. Non, mais c'est... Ah, moi, j'accepte. Hein, c'est la même chose. Tu disais Rachid, c'était pareil pour moi. Alors, là, je vois une vidéo Moundir et la chèvre. Ah. Moundir, M-O-H-A-M-D. Non, il y a marqué Mohamed et la chèvre. C'est la même. En plus. Donc, vous avez tous bien répondu à 2 questions sur 4. Bon, vous avez donc marqué 3 points. Ah bon ? Ok. Ouais, mais moi, c'est des meilleurs points que vous. Donc, parce qu'en fait, 3, je vous explique l'histoire. Là, ça va être les listes. Et dans les listes, on peut marquer beaucoup plus de points que dans la première manche. Donc, du coup, pour équilibrer un peu les débats. Voilà. Je trouve ça chouette. Merci. Comme un hibou. Non. Je crois qu'on va laisser silence. Non, non, moi, je suis juste en train de réfléchir à comment je vais pouvoir monter tout ça. Quoi. Monter quoi ? Elle va faire 2 minutes, l'émission. Je vais couper les blancs, moi. Comme mes ancêtres. Oui, voilà. Alors, donc maintenant, c'est les listes. Donc, chacun votre tour, vous allez dire... On va voter. Non, mais non, putain, mais arrêtez. Moi, j'aime bien. Chacun votre tour, vous ça allez... Ça mange pas de pain. Donner une réponse. Tant que vous donnez des bonnes réponses, vous marquez des points, vous continuez à jouer. Soit on donne des mauvaises. Soit tu donnes une mauvaise réponse et tu rentres chez toi. Ah, bah très bien. Voilà. Ou chez moi, si tu veux. Première liste. Citer un animal tuant en moyenne 10 personnes par an. Ah, je le rhinocéros, c'est le plus gros tueur terrestre. Mauvaise réponse, Bilal. Non, non, non, alors là, je n'accepte pas. Alors, le moustique. Putain, je suis une merde. Je suis Merci. Une grosse merde. C'est le moustique. C'est selon l'OMS, hein, bien sûr. On peut pas chiffrer toutes les morts par animal. C'est le moustique, vas-y. Tu peux parce que je pensais que c'était. Non. C'était pas selon l'OMS. Non. J'ai pas eu le. Moi, j'avais plus selon le Wikipédia américain, tu vois. Ce que je fais, je te donne pas de points là. Vas-y, et tu peux faire le prochain tour. Attends, je viens de donner la meilleure réponse là. Mais oui, mais on s'en fout, il a perdu. Moi je donnerais pas le moustique par solidarité. Voilà. Bah moi si. Mais... Bah parce que t'as un connard. Mais... Et bah j'enlève le moustique. Après toutes les vannes de merde que t'as fait, on t'enlève les points. C'est pas possible. Bilal, j'enlève le moustique, c'est pas une... mais tu marques pas de points. Allez. Ah oh, il va refaire son énervé là. Non, j'accepte. Non. J'enlève le moustique. Parce que c'est moi qui ai gagné dans l'histoire parce que j'avais donné une mauvaise réponse. Donc c'est bon, vas-y, on continue. Hein. Le moustique, quand même, pour information, 800 000 personnes par an. Donc on n'a pas plus le droit de dire moustique. Voilà. Très bien. Mmh. Aurélien. Même si on a une question sur Groland, on peut pas. C'est entre le crocodile et. Quoi, c'est pas drôle, non? Je rigole, mais je sais pas. C'est drôle, crocodile? C'est pas ça, tue bien des gens, ces trucs-là. Non, oui, ils sont en groupe et tout. Il y a un gang de crocos. T'as jamais vu un croco avec un Uzi, mec? Si, tu as des flingues. Je sais pas. Parce que les crocodiles. Ah, on va se faire un gang de crocodiles. Ah oui. Mais je sais pas du coup. J'en sais rien. Serpent. Oui. Yes. 100 000 personnes par an. Putain. Ouais. Ah ouais. Ouais. En moyenne. J'aime pas les serpents. Alexis. Je veux dire, chez toi, t'as une grosse liste de ce que t'aimes pas et ce que t'aimes bien. Tu vois. Ouais. Y'a rien au milieu, quoi. Tu non. T'en fous de rien. Quoi. T'as ton avis sur tout, toi. Ah, un loup. Je suis comme ça, moi. Un loup. Je suis un polémiste. Moi. Le loup, c'est une bonne réponse. 10 personnes par an. Est-ce qu'il fait partie des 10 plus gros tueurs? Non. animal tuant au moins 10 personnes par an. Ah, oh bah je suis désolé, la rhinocéros. Sauf le requin. Bon. Non, désolé. Moi je m'en fous, il y a quelqu'un qui. Vas-y, t'as cherché pour son truc de Mohamed là, tu peux regarder le rhinocéros, s'il te plaît. Allez. Au moins 10 personnes. Si tu pouvais arrêter de discréditer toutes mes questions. Non, ça fait que 2 pour l'instant qui discréditent. C'est vrai, c'est sur 5 questions. Marseillais un peu, toi. Marseille. Vas-y. Marseillais, ouais. Le mec qui répète toutes les fins de phrases en criant. Criant. Putain, tu me l'as fait. Bon, allez, vas-y, Bilal. Pas la un animal. Alors, attends, oui, j'en étais où? Ah, un animal qui tue au moins 10 personnes par an. La guêpe. Oui, abeille, frelon, guêpe, j'ai tout parce mis dans le même. Parce qu'il y a les allergies, tout ça. 400 personnes par an. Aurélien. Oui. J'ai toujours envie de dire crocodile. Mais si je dis une mauvaise réponse, j'ai plus le droit de jouer. Tu pars pour cette liste, mais après, il y a d'autres listes. Ouais, mais ça craint, quoi. T'as cherché quoi? Tigre. Eh non, mauvaise réponse, le tigre n'y est pas. Ah ouais. T'as cherché le nombre de morts par rhinocéros? C'est pas grave, c'est ce que je t'ai dit. Pour info, il y a plus de rhinocéros tués. Ouais, bah ça, c'est normal. C'est normal. Bah non, oui, on est des êtres humains, ils doivent nous respecter. Le chaîne alimentaire, tu connais? Ah, mais c'est à cause de James, c'est la peste géante. Non, mais. C'est resté dans. Gravé ici, j'avais trop peur du rhinocéros. Je peux pas tuer un rhinocéros. Le rhinocéros, oui. Alexis. Si je dis araignée, c'est trop vague. Bah non, c'est un animal, l'araignée. Bah, araignée. Non, mais il y est pas. Le chien. Le chien. Non, mais il y a des araignées qui tuent. Le chien. Personne n'a dit le chien. Le chien. Il y a des araignées qui tuent. Oui, mais il n'y a pas 10, pas 10 morts par an reconnus officiellement d'une araignée, oui. Tu dois dire un taureau. Le chien. Bonne réponse, Bilal. 25 000 personnes par an, le chien. Sérieux? En même temps, c'est des conneries. C'est principalement à cause des maladies. Ah oui, voilà. J'aurais dû dire le rat, tu vois. Le rat? Oui, parce qu'il n'y a plus que Bilal, du coup. Et le rat, c'est mauvaise réponse. Merci, bien joué. Putain! Il y avait entre autres le crocodile, 1000 à 2000. Enfin, bien. Oui, je vois. En plus, Sonic, la bonne! Sonic et ta mère, soit te faire foutre, je sais pas. Éléphant, 100 à 600. Hippopotame, 500. Lion, 100 prendre à 200. Prendre éléphant par la main. Oh là là! Méduse, 50 à 100. J'essaie de. Je suis médusé là. Mollusque d'eau douce, 20 000 à 200 000. Quoi? Mollusque d'eau douce. Les huîtres? Ah bah non, mais c'est non, c'est les méduses. Non, mais des mollusques, des limaces d'eau, quoi. Qui ça transmettent des maladies. Ah, c'est une limace qui va à la piscine. Mouche tsetse, 10 000. L'animal qu'on connaît pas, la réduve, 13 000. La réduve? Ouais, c'est un animal. Le scorpion, 3500. C'est scorpion. Un scorpion. Le ver ascaris. Putain, je voulais dire ça au début, fais chier. Putain, l'éléphant, c'est un rhinocéros, mec, vas-y. C'est la même chose. Le ver ascaris, 60 000. Et le ver solitaire, 2000 personnes par an, tout de même. Ah, on pense à eux. Et à leur anus. Ouais, voilà. Bah, c'est pas facile, quoi. Bilal, t'as marqué 2 points. Alexis et Aurélien, 1 point. Merde. Grosse manche. Gros manche. Oh, maintenant, citez-moi. Surtout quand on comme un manche. Ah oui, c'est très marrant, celui. Non, mais c'est... Oui. C'est tout. Citez-moi une rue présente dans le Monopoly français, quoi, sauf la rue de la paix. Moi j'ai tout, je suis désolé. Une rue présente dans le Monopoly français. Tu cherches quoi? Et c'est là que je connais. J'adore me la péter alors que je sais pas du tout en fait. C'est vrai, tu sais pas? Attends, j'en connais. La reine de Janiel. C'est le Monopoly normal ou français? Oui, le Monopoly Paris. Pas le Monopoly Star Wars, je suis fou. Ah putain, parce que genre celui de Pokémon, je sais, tu vois. L'avenue des Champs-Élysées. Bonne réponse. J'ai bien dit avenue. Bilal, oui. Oui, à toi. L'avenue Fuck. Non, c'est pas drôle. Foche. Non, mais... Elle y est non, pas. Mais non, au-delà, elle y est pas. Lui, il est mort de rire, vraiment. Lui, il faut pas grand-chose. Lui, on confond Foche et Fuck, c'est bon, c'est la meilleure vanne du siècle. Oui, l'avenue Foche, elle y est. Ah, en plus, j'ai eu un doute pendant 2 secondes. Alexis. La rue de la paix. On va t'abattre, mec. J'adore ce mec. Éliminé, hein. Hey, je vais vous défoncer. Citer une représentante d'un Monopoly français. Regarde-la là. Sauf la rue de la paix. Ah, mais non, mais j'avais pas entendu. Bah, pourtant, c'était juste la suite. Oui, mais j'écoute pas jusqu'au bout, tu la question. Pas, non, bah, moi j'accepte pas. Et mais on l'a réintégré alors qu'il a dit de moi. Mais tu voulais pas me réintégrer. Je veux pas être. Aurélien, qu'est-ce qu'on fait? Bah, non. Dans sa gueule. J'écoutais pas. Non, en fait, tu sais quoi? On aurait accepté si tu t'étais pas pété avant, tu vois. C'est vrai, mais... Je vais vous défoncer, les mecs, vous êtes morts. Rue de la paix. C'est la plus simple en plus. Non, allez, allez. Vas-y. Moi, j'accepte. Bon, allez, c'est bon, allez, on est gentil. J'ai pitié. En plus, t'as déjà perdu. Tu peux en dire une autre là? Oui, dis un autre. Bah, l'avenue Mozart. Les gares, ça compte? C'est une rue, la gare? Bah, non. Attends, je réfléchis. Attends. Alors, ici, je ne peux pas ouvrir ta bière. Je suis désolé. Je vois que tu galères depuis 30 minutes. Non, fais pas ça. Pas avec les dents. Non, fais pas ça. Mais c'est à qui, là? Ok. C'est donc à Alexis, vas-y. Je viens de le dire. Non, mais t'as dit quoi? Avenue Mozart. Avenue Mozart. Rue Mozart. Ça me dit rien du tout. Ça marche. Non, mais avenue aux rues, c'est bon, je vous en veux pas là-dessus. Malesherbes. Boulevard Malesherbes. C'est une bonne réponse. Aurélien. Il n'y a pas genre rue de la Liberté, un truc dans le genre? Rue de la Liberté? Oui. Non. Oh merde. Putain, merde. Oh putain, ce blanc. En fait, je suis un peu deg parce que voilà, j'ai beaucoup joué à Monopoly et là, je me souviens un peu. Lafayette? Ah oh, putain, Lafayette. Putain, oui. Putain, je t'en merde. Réponse. Courcelles. Courcelles, c'est une bonne réponse, rue de Courcelles. Ça me Alexis. Fait, ça me fait chier. C'est non. Non, mais si, mais. Bah non. Non, parce que moi aussi, moi j'en ai encore une. Bellecour? Bellecour, non. Non, c'est pas du tout sur Bellecour. La prison. Henri Martin. Henri Martin, l'avenue Henri Martin. Bonne réponse, Bilal. Ensuite. Attends, là, faut que je réfléchisse. Belleville. Belleville, bonne réponse. Putain, c'était ça. Putain, c'est ça, oui, ouais. Boulevard de la Villette. Boulevard de la Villette, bonne réponse. Oh là là, Bilal. Il a gagné. C'est bon. Il a gagné. Putain, j'arrivais pas à l'autre. Si, t'as gagné, c'est bon. Tu bandes. Oui, tu bandes. Voyons. Tu bandes dur. Ça devient gênant là. Donne-le ton nom de ville. Attends, mais vous parlez là, j'ai pas le temps de réfléchir. Bilal, il me faut une réponse. La gare Saint-Lazare. T'as 5 secondes. Saint-Martin. Non. Saint-Honoré. Saint-Michel. C'est Henri Martin. C'est Saint-Michel. Non. Il y a pas le boulevard Saint-Michel. Si, il y a le boulevard Saint-Michel. Ah, c'est bon. Le boulevard. Non, non. T'as dit Saint-Martin. Non, non. Non, mais c'est pas ça. Il a dit Bellecour tout à l'heure, on a refusé. Alors, pas vite. Ça coup, va, ça ressemble à rien. C'est gavé de points. Ça ressemble à Belleville. En plus. Oui, puis c'est surtout la place de Lyon, quoi. Bellecour. Ah oui. Ah, mais franchement, ce serait con de pas essayer. Il y avait aussi, oui. Il y avait aussi la place de la Bourse. Voilà. Avenue Breteuil. Boulevard des Capucines. Ah, rue du Faubourg Saint-Honoré. Bien sûr. Rue Le Courbe. Ah, oh, avenue Matignon. Ouais. Ah, oui. Avenue de Neuilly. Pourquoi on n'a pas essayé de réfléchir à des rues de Paris avant de parler? Place Pigalle. On est vraiment nul, quoi. Place Pigalle, avenue de la République. Bah toi, ça et va, rue toi. De Vaugirard. Bilal, t'as donc mis. La Liberté. Non, la République, Liberté, non. Non, c'est pas loin, mais non. Allez. Bilal, t'as mis 6 points. Aurélien, 1 point. Alexis, 2 points. Citer une monnaie remplacée par l'euro, oh. Sauf le franc français. T'as entendu, Alexis? Sauf le franc français. Sauf le franc français. Le franc français. Je peux commencer? C'est vraiment Bilal. Non, c'est Bilal. Bon, bah, je peux pas, et puis ça fait du bruit au micro. Ouais. Donc, le Deutschmark. Le Deutschmark, c'est une bonne réponse. Putain, j'ai eu un doute de la peur, tu vois. Mais vas-y, mais je connais pas les monnaies des autres pays. Moi, je vais te donner une réponse pour pas qu'il gagne, lui. Ah ouais. Psst, de toute façon, c'est pas à moi. Si, c'est à toi. Putain, c'est à moi. La couronne danoise. La couronne danoise, c'est une mauvaise réponse. Bien joué. Pourquoi t'as précisé danoise? Je sais pas. Ça non, sonnait. Ça sonne trop bien. Ils ont pas l'euro, je crois. Mais on s'en fout. Non, ils ont pas l'euro. Il y a plein de couronnes. On s'en fout. Tu dis laquelle? Non, faut le payer quand même. Bah merde. Ouais, la couronne. Non, mais oui. C'est trop tard. De toute façon, je l'ai dans le cul. Voilà, c'est bien. Prochaine fois, je viens pas. C'est trop poussé. Allez, c'est une monnaie là. Ah, je suis pas bien. Attends, je suis pas bien. Ah oui. T'inverses deux. Pesos. Ouais. Mais non, mais. Ah, voilà, c'est bien ça, ça marche. Ah, le pesos. Va te faire. Le peso. C'est c'est une mauvaise réponse. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis content. Je suis content que tu l'aies dans le cul. Ah, t'es tout seul. Fais-toi plaisir. La livre italienne. C'est pas ça? La lire. La lire. Oh non. La lire. Non, non, attends, non, je me suis pris. Non. Les mecs, vous réfléchissez à haute voix depuis tout à l'heure. Si je fais la lire, après je fais. Attends, non, c'est une réflexion à haute voix. Il y a eu moins de 2 secondes entre mes deux réponses. Je suis désolé, on accepte. Moi j'accepte. La lire italienne. Voilà, donc ça fait un point. Ensuite, on a quoi? La couronne. La couronne. Le slotty. Le slotty. C'est un plat slovène, ça. C'est pas une bonne. Le slotty, comment t'écris ça? Comme il est écrit sur ta fiche, là. Ouais, non. Ah, vous avez été particulièrement mauvais. La couronne suédoise. Non, mais c'est fini, tout ça. Non, la couronne des Pays-Bas, les Pays-Bas, le... La weed. Non, j'ai perdu. Il y avait couronne estonienne, couronne slovaque. Ah, mais c'est ça que je voulais dire quand je dis slotty. La drac, ça ressemble. La drac, mais en Grèce. Ah oui. L'escudo au Portugal. L'escudo. Le florin aux Pays-Bas. Le florin. Alors là, bande de débiles. L'escudo tranquille, mec. Oh non. Attends, fais pas ça. Il pète un câble comme ça. Putain, mais quel acteur. Et là, pour vous rendre compte un peu. Je t'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Kudo? J'ai rien fait à Kudo. Mais c'est qui Kudo? Pour vous rendre compte à quel point vous êtes des débiles, le franc andorran, le franc belge, le franc luxembourgeois, le franc monégasque. Donc on est en train de se faire insulter, on dit rien, on est tranquille, on dit rien. On dit rien, tu as raison. Le lat de Lettonie, la lire de Saint-Marin, la lire maltaise, la lire vaticane. Ouais. Bah là ça me fait 4 points, j'ai dit lire, vas-y. La litas, la livre chypriote, la livre irlandaise. Marque finlandais. Ils sont pas originaux quoi, le livre. Les poké-dollars. Peseta, peseta andorran. Putain, je l'ai dit, peseta, tu me l'as compté. Et le tolar, non, tu l'as pas dit. Tu l'as dit comme ça, mais tu l'as pas dit comme proposition. Non, non, non. Ah ouais, j'ai pas dit en réponse. Non, non, mais j'avoue, c'est ma faute. Ah, mais au moins le public sait que je savais quoi. Ouais. Moi, c'est ce qui compte, c'est le public, tu vois. Yes, il est un peu sensé, il s'est cassé depuis longtemps. Citer une boisson avec du café qu'on peut commander au attends, bar. Attends, t'as pas mis les points là. T'as mis 2 points, les autres en ont mis 0. T'as marqué ? J'ai marqué 2 là. Avec du café ou de la caféine ? Citer une boisson avec du café qu'on peut commander au bar, sauf l'expresso. Bon bah j'ai perdu, salut. Avec du café, où il y a de la caféine dedans ? Le cappuccino. Le coca par exemple, j'accepte pas. Ah oui, merde, parce que j'aurais dit coca. Le cappuccino. Le cappuccino, bonne réponse de Bilal. Sans le café du coup. Le café au lait, ça marche ? Oui. C'est ce que je voulais dire. C'est café au lait, café crème. Ouais. Le café liégeois. Le café liégeois, c'est une bonne réponse d'Alexis. Oui. Merde, je cherchais. Est-ce que vous pouvez attendre ? C'est que dans les cafés ou attends, ou ça marche aussi dans les cocktails ? Une boisson avec du café dedans. Bon, un White Russian. Et d'où tu sors ton truc de café ? Attends, à quoi ? Un White Russian. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est un russe blanc. La régie va... Non, il y a du café dans le russe blanc. Il met bien du café. Mais c'est quoi un White Russian ? C'est pas... Dans le Big Lebowski, là, il met pas du café. Ah ouais, vas-y, que j'ai pas vu. Ah. Ah, je l'ai pas vu non plus, je vais peut-être pas t'aider. Bon, on va passer à autre chose, allez. Allez. Allez, on dit que j'ai bon. Non, non, on va... La première proposition sur Google, c'est White Russian Weed. Je suis peut-être confondu aussi, je sais pas. Bon, en attendant Aurélie, hein, pendant que ça vérifie. Oui, moi, encore ? Parce qu'au pire, t'es éliminé de toute façon. Eh, mais... Moi, ce serait pas la première fois de ma vie. Compliqué. Je sais pas. Ouais. Liqueur de café. Vodka liqueur de café. Crème. Bon, vodka liqueur de café. Crème. Vodka liqueur de café, j'allais le dire. Putain. Ça, ça passe. C'est ça le White Russian. Ah, d'accord. Bah oui, mais. Ça passe, c'est une boisson avec du café. J'en avais bu en Russie, c'est dégueulasse. On a pas... C'est pas de la caféine, c'est du café là. C'est... Tu, mets du... tu verses du café. Ça voilà. Fait un shot, c'est horrible. Donc, vas-y, au lieu de raconter ta vie là, t'as une réponse à donner. Bah, j'allais donner ça, mais vous l'avez donné. Oh non, mais tais-toi. Mais c'est le seul truc que je connais, après là, je sais plus. J'en ai déjà bu, connard, je sais ce que c'est. Donc, d'accord, c'est la fin de quoi, là. Contre la société. Cette société qui fait que je gagne pas. Calme-toi. Salaud. On vaut mieux que ça. Donc, un autre type de café, du coup, puisque Bilal l'a dit avant, toi, c'est le jeu. La liqueur avec la vodka. Non, mais c'est ce que Bilal a dit, c'est le White Russian. Oui, et bah c'est tout ce que je sais, je ne sais pas, je passe. Tu passes. Je passe. Très bien. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir essayé au moins. Alexis. J'en sais rien. Attends. Mais on sait pas. Quoi, bah, soit, désolé, moi je vais à Starbucks tous les dimanches. Du café avec du sucre. Non, bah ouais, ça c'est du sucre, de ma maman. Type, hein. Non. Bilal. Je réfléchis. Ah, ça vous inspire mes listes ce mois-ci. Je bois pas de café déjà. Moi non plus. Mais d'accord, mais... Bah, du coup, on est moins renseigné que des gens qui boivent du café tous les jours. Et si tu prends un double espresso, c'est un autre type de café ? Alors, si on met du café, un petit peu de café, on met un peu de lait, et qu'on rajoute du chocolat dessus, ça fait un café... Ça doit être dégueulasse, non ? Attendez, je réfléchis, parce que je sais que je peux... Parce que tu vois... Tu peux faire... On va peut-être passer à autre chose, non ? Mais, oui. Si on met un café, si on met un café avec plein de biscuits autour, ça fait un café gourmand. On peut commander un café gourmand. Ah, bien joué. Café gourmand. Non, c'est pas une boisson. J'ai cité une boisson avec du café. Non, je suis assez d'accord aussi avec Antoine. Café frappé. Bonne réponse. Oh, au buzzer. Au buzzer. En plus, il avait déjà dit une réponse avant. Va chercher un décapsuleur en bas, Alexis. En plus, moi j'en ai d'or. Non, mais c'est bon. Donc, Bilal, tu passes ? Je dirais. On va dire. Un café mocha. Bonne réponse. Wouh. Donc ça c'est pas une sorte de café. C'est une boisson avec du café. Il y a du café dedans. Non, je croyais que c'était juste une sorte de grain, le mocha. Moi. Que, comme l'arabica et tout ça. Eh ben oui, mais c'est une l'arabica. Non. Non. Pourquoi alors c'est le mocha pas, mais, non, écoute, j'ai l'air de m'y connaître. Le café éthiopien. Bah oui, puis le café non. Français. Le café non, égyptien c'est bon. Là. C'est bon, Bilal, t'as marqué. C'est filtré et tout. Bilal a marqué 4 points. Alexis Aurélien a marqué 1 point. Il nous la met bien là. Je pense oui. Un autre, il y avait le café allongé. Le café. Le café allongé, il se paraît que double. Mais non, il y a l'indien filtré, le café irlandais, la rich coffee. Voilà, ça. Le café. La rich coffee, non, café. Le macchiato. Tout ça, voilà. Le café clochette. Café allongé, tu mets juste plus de café. C'est un jeu de mots. Moins de café clochette, j'ai compris. Il y a du café dedans. Bon, on va partir avec un truc beaucoup plus formel. Ça nous arrête de faire chier. Le café, ça me saoule, ça m'énerve. Citez-moi. J'ai bien aimé ce questionnaire parce que j'ai gagné. Citez-moi un état des États-Unis sauf la Californie. L'Utah. L'Utah. Bonne réponse. Et à moi Le Kentucky, comme KFC. Bonne réponse. Jamais, ça va. La Pennsylvanie. Jamais, c'est bon. Ne jugez pas. Non, j'aime pas. Alexis. Pennsylvanie. Pennsylvanie, c'est une bonne réponse. Le Delaware. Oh, le mec qui c'est commence à Facebook. Sortir les... Bonne réponse. Non, mais ça, c'est parce que je suis un peu banquier. Tu vois. Aurélien. Washington. Bonne réponse. Ouais, c'est un état. C'est pas qu'une ville. New York. New York, bonne réponse. Quoi? Le New Jersey. Tu vois, sauf que l'état de Washington est totalement l'opposé de la ville de Washington. Mais... C'est très con. Merci pour votre avis sur la géographie peut-être américaine. Peut-être qu'on parle au président, faire un truc, je sais pas. S'il nous écoute. Bonjour, c'est très con. Et Barack, c'est un peu con. C'est très con. Bilal. En fait, je gagne du temps. Mais j'ai répondu New Jersey. New Jersey. New Jersey. New Jersey, c'est bon, ça marche. Ah ouais, ouais, ouais. Aurélien. L'Ohio. Je vis dans un état proche de l'Ohio. L'Ohio. C'est ça la chanson, c'est pas vrai. Le Wisconsin. Le Wisconsin, bonne réponse. Le Dakota du Nord. Le Dakota du Nord, bonne réponse. Alabama. Alabama, bonne réponse. J'ai vu le film Alabama Monroe, j'ai adoré. Non, je l'ai pas vu. Trop bien. Je sais plus si on l'a dit ou pas. Je me faisais enculer en le regardant, justement. Ah bah. Quoi? La Louisiane. C'est à toi? Ah oui, c'est à toi, bravo. La Louisiane, oui. Le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique. Bien joué. Oui. Qu'est-ce que t'es culturé? J'ai dit autant de réponses que vous. Aurélien. T'as dit le Texas? Texas, bonne réponse. On l'a pas dit celui-là. Non, bah du coup, je le dis. Alexis. Putain, je sais plus ce qui a déjà été dit en fait, là je suis perdu. Je sais plus si on a dit. Le New Jersey. New Jersey, ça a déjà été dit. Bien. Alors moi j'en ai un, mais je sais pas s'il a été dit. Et... Bah, je crois que personne n'a dit la Californie. Oh, si. Ah merde, putain. Sauf la Californie. Un état des États-Unis, sauf la Californie. Ah, non. Ah, c'était la Floride que j'aurais dû dire. Tu vois. Aurélien, si tu veux prendre un peu d'avance, enfin rattraper plutôt ton retard. Vas-y. La Floride. La Floride, bonne réponse. Oh là, c'est parce petit. Il y a Miami. Ça, je connais la Floride quand même. C'est je connais la Floride. Voyons. Personnellement. C'est vrai que c'est un peu surfait mais en si, 2016, la Floride. Cependant, mais j'ai moi. Ça fait une bite à l'Amérique sur la carte. Je comprends. Non, on te reconnaît bien là. Voilà. Merde. J'ai droit encore de parler? Oui, oui, toujours. Hawaï. Hawaï. Bien, bien. Est-ce que. Attends, je te dirai plus tard. Vas-y, continue. Non, parce que j'en ai plus, c'est fini. Le Wisconsin, il a été dit. Non, vas-y. Oui, le Wisconsin, il a été dit. Ouais. Tu veux pas en tenter un comme ça au hasard? Alors attends, la Caroline du Nord. Bonne réponse. La Caroline du Sud. Bonne réponse. L'Iowa. Bonne réponse. Oh là là. Si. Non. Non, il a dit Ohio. Il a dit Ohio. Ça a rien à voir. Hein. C'est, non, c'est... il a dit l'Iowa. Non, l'Iowa, elle n'a pas dit. L'Idaho. Il a dit, bonne réponse, et... merci Bilal. Merci Ohio. T'as 11 points là déjà, les autres avaient 5 et 4. Ouais, mais là je fatigue. Je sais... Tu me rattrapes pour fois. Attends, je vais faire par lettre. Non, ça va être trop long, je sais pas. Si, fais par lettre. Non, bah non. Non. Non. L'Arkansas. Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut. Oh, Colorado, sur Colorado. Le Dakota du Sud, puisque le Dakota du Nord a été dit, je pense que quelqu'un dise aussi. Non, il y a que le Nord. La Géorgie, l'Illinois, l'Indiana, le Kansas, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan. Minnesota, Mississippi, fait pareil pour Montana, la France, Nebraska, oh, Nevada, New Hampshire et plein d'autres. Ah, putain, tu devrais faire ça, tu devrais faire les nouvelles. Il y a Porto Rico ou pas? Nouvelle région. Bah, c'est ça que j'avais demandé. Oui. Plus, non, Porto Rico, non. Putain, je suis dégueulasse. Mais on a la même question. Il y en a trop pareil. Grâce au basketball. Bah oui, basketball. Donc, du coup, si on fait les récapitulatifs. Je te remercie. Lilel, tu as marqué 22 points jusqu'ici. Ouais. Voilà. Ouais. Alexis, tu as marqué 8, 10, 11 points. C'est bien à la bourre. Et Aurélien, tu as marqué 17 points. Il s'est refait la cerise. Hein. Ah, donc 22 pour Bilal, 17 pour Aurélien. Il s'est refait la cerise. C'est toi qui l'avance, elle ne vient pas. Ouais, le mec, il a mis un mot. Pif, quoi. Je suis quand même loin, moi. Ah, il s'est refait le trottoir, le gars, quand même. Putain. Aucun rapport, en fait. La cerise. On en est donc au milieu. Un moment, un lieu, un autre truc. Ah non, c'est chiant, ça. Je vous rappelle, ces trois catégories commencent toutes par en, en. Oui, t'as déjà tout déjà fait. Ok. Exemple, le mois dernier, c'était en 1984. Ah le oui, moment, j'ai pas, le lieu en Amérique du Nord et un autre truc, je sais plus ce que c'était. En avion, merci, la régie. Donc, Bilal, tu choisis un moment, un lieu ou un autre truc? Avec toi, ça ne peut être qu'un moment. Un moment. Oh. Parfait. 2020. Yeah. 2020. Oui. Ok, malin. Ça fait beaucoup quand même. Par rapport à quoi ? C'est marrant, non ? Merci. Non, mais voilà. C'est une grande récolte. C'est vrai, on peut toujours compter sur lui. Pour enchaîner sur de la merde. J'étais trop occupé à draguer Antoine. Ah, Bilel. Oui, c'est moi. En 2020. Bilel. Quelle ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2020 a dû retirer le logo de cet événement car il ressemblait trop à celui du théâtre de Liège ? Rio. Non, mais là. Il est con. On peut pas être aussi con quand même là. Ah, 2020. Ah, Rio, 2020, merde. Non mais le thème c'est en 2009, vous m'écoutez pas en fait. C'est mais j'ai pas compris sa blague, il faisait une blague et tout. Non, mais j'ai une mauvaise réponse, c'est pas grave, tant pis, hein, j'ai le droit, ouais, j'ai le droit de perdre. Hein, c'est Tokyo. D'accord, non, mais je le savais, y a pas de... Quel groupe de musique américain se cacherait derrière les membres du groupe The Network ayant sorti en 2003 l'album Money Money 2020 ? Putain, je suis nul en musique, quoi. Tu peux répéter ta question parce que j'ai oublié que c'était à moi en plus. Là, quel groupe de musique américain se cacherait derrière les membres du groupe The Network ayant sorti en 2003 l'album Money Money 2020 ? Les Red Hot Chili Peppers. C'est dur ça. Si c'est ça, je te suce la bite. Les Red. Non. C'est Green Day. Dans quel pays pourtant si parfait, Onkalo est-il un projet prévu pour 2020 dont le nom signifie cave dans la langue locale et qui prévoit d'enterrer des déchets radioactifs pour une durée de 100 000 ans ? Donc tu as un pays. Attends, mais il y a une vanne avec parfait, donc... Présumé parfait. Voilà, il faut trouver un... Donc je dirais que... Il y a un projet Onkalo dedans, qui est prévu pour 2020 et qui prévoit d'enterrer des déchets radioactifs pour 100 000 ans. Et Onkalo, ça veut dire cave dans la langue locale. Le Kazakhstan. En quoi le Kazakhstan est parfait ? On sait pas. Je pensais qu'il y avait une nouvelle. Non, c'était la Finlande. Ah. Ah bah oui, oui. Combien de jours y aura-t-il en 2020 ? Putain, c'est dur ça. 366. Bonne réponse, Bilal. Le pif. Non, mais en 2016, il y a une année bissextile, donc il y en a une en 2020. Quoi. Le pif. Quelle élection politique aura lieu en France en mars 2020 ? Attends. Ouais. Ouais. Les élections municipales. Bonne réponse, Bilal. Oh, il est bon. Ça te fait 24 points en tout, donc. C'est avec tout, les deux points que t'as marqués, là. Aurélien. Oui. Un lieu ou un autre truc ? Un autre truc. Un autre truc. Enquête. Ah, enquête de quoi ? C'est pas possible. Dans Re, qui est le meurtrier ? Oh, putain. Oh, c'est avec les cheveux sales et tout, là, c'est ça ? Non, c'est ça ? Mais il faut un prénom. Oui. Ils ont tous ces cheveux dégueulasses. Pierre. Bonne réponse. C'est revenu. Quel personnage est le némésis de Sherlock Holmes alors qu'il n'apparaît que dans deux des 60 aventures du détective imaginé par Arthur Conan Doyle ? On se connaît d'accord qu'il y a une différence dans les questions quand même. Mais attends, parce non, que moi je connais le thème surtout. Je connais qu'un méchant moi, c'est Moriarty. Bonne réponse. Ouais. Okay. Je sais pas. Quel journaliste anime l'émission Cache Investigation sur France 2 ? Ah ça je sais pas par contre. Truc de beauf. C'est d'Élise Bucet. Ok, Élise Bucet. Non, non. Il me l'a dit. En 2008. En 2008, qu'est-ce qui a été dérobé sur une plage jamaïcaine sans que l'enquête n'ait jamais pu être résolue malgré l'ampleur du vol ? Bob Marley. Putain, je... En 2008, qu'est-ce qui a été volé sur une plage jamaïcaine sans que l'enquête n'ait pu être résolue malgré l'ampleur du vol ? Le mec qui a entendu Jamaïque. Bonne réponse. Il a dit je vais faire une vanne et puis juste dire Bob Marley. C'est sérieux là, c'est oui, ça ? Oui, ils ont volé tout le sable de la plage en une nuit. 500 camions de sable, et ils ont jamais trouvé qui c'était. C'est trop bien. En 1959... Ça peut se faire un putain de terrain de pétanque. En 1959. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça peut se faire un gros terrain de pétanque. Pour jouer au boule. Mais en oui, 1959... Du coup, on était là, dans la vanne, et là, BAM ! Ça tombait dessus. Ouais, un terrain de pétanque, comme les boules. Ouais. 1959, c'est une date qui me dit absolument rien, donc ça va être un fiasco. Dans quelle chaîne de montagne une enquête a-t-elle conclu à une force inconnue mystérieuse pour expliquer la mort de 9 étudiants ayant déchiqueté leur tente de l'intérieur pour fuir à moitié nu dans la neige ? Ça te fait rire la détresse des gens ? Non, c'est un poil ce qui me fait rire. Ils sont morts et tout ? Oui, dans quelle chaîne c'est de montagne ? C'est pas drôle alors. Et l'enquête, elle est réouverte régulièrement cette enquête-là. Alors, une chaîne de montagne ? Une chaîne de montagne. C'est une vanne ou... Non, c'est... non, je suis sérieux, ouais. C'est... Une chaîne de montagne. Pff, ça sert à rien, moi. Les Vosges. C'est l'Oural. L'Oural, bonne réponse. Ok. Il n'y a pas que la France, c'est vrai. C'est pas du tout une chaîne de montagne. T'as pas vu les extraterrestres des Vosges ? Terreur dans les Vosges. Non, les extraterrestres du Puy du Fou, mec. Mais le Puy du Fou, c'est pas dans les Vosges. Non, mais... des vieilles villes pourries, quoi. Donc, Aurélien, tu marques 3 points, ce qui te permet d'avoir 20 points. Ah. Alexis, il te reste donc un lieu. C'est cuit pour ma tronche maintenant. En Alsace. Non, il y a encore plein de questions. Oui, ok. T'es prêt ? Ouais, vas-y. Okay. Ok. Donc c'est en Alsace. En Alsace. En 2015, à quel pays appartenait l'Alsace? Fasciste de merde. Hein? En 2015, à quel pays appartenait l'Alsace? Je vais dire la France. Bonne réponse. Merci. En 1942, à quel pays appartenait l'Alsace? Je vais dire l'Allemagne. Bonne réponse. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais... En 1928, à quel pays appartenait l'Alsace? Objection. Je vais dire l'Allemagne. Mauvaise réponse, c'est la Allez, France. Allez, dans ta gueule. En 1928? Oui. Oui, non, mais fais pas genre, c'est pas ça. Ah oui, t'as raison. Bah oui. Du coup. Oh, je suis con. Est-ce que tu veux qu'on te réponde là-dessus? Est-ce que tu veux l'autre avis? Ah, il faut que je réfléchisse avant de parler. En 1517, à quel pays appartenait Mulhouse? En quelle année? En 1517. Wow. Mulhouse n'a été fondé qu'en 1713, donc je ne sais pas. Je dirais la France. Non, la Suisse. Ouais, moi aussi j'aurais dit la Suisse. En 1027, à quel pays appartenait l'Alsace? Il n'y avait pas de pays à cette époque-là. Quel royaume, quel... On était tous dans des tentes. Personne ne parlait. Je sais pas, un truc germain. C'est la réponse, ouais, un truc germain. C'est la bonne réponse. Les Prusses. C'était le Saint-Empire romain germanique. Bah, ouais, mais... Non, mais les Romains quand même. Tu aurais dit Germain, les Romains, j'aurais dit d'accord. Dit les Romains, moi. Donc ça fait deux bonnes réponses pour Alexis qui a 13 points. Je veux pas te cacher, Alexis, mais t'as plus aucune chance d'aller en finale. Mais bon. Parfait. Bah, c'est pas dit, ça se trouve, on va faire que des mauvaises réponses. Là. Putain, on aurait dû parier, Alexis. La presque fin, trois homophones. Oui, on est là. Tu m'as fait peur. J'aime pas les gays. Non, monsieur, non. Moi, je me désolidarise donc, avec ce gars, c'est pas possible. Cinq questions par rapport à un thème. Donc, le thème, c'est malédiction, malédiction ou malédiction. Malédiction. Moi, j'ai du mal à parler, j'ai une malédiction. Trois. Allez, meurs. Malédiction, alors c'est mal et diction. Voilà, je m'en doutais. Voilà. À quoi reconnaît-on un chasseur sachant chasser? Bon, les yeux de mots. Son lapin. Il n'a pas de chien. J'accepte. Non, c'est pas le plus marrant. Il s'est chassé sans son chien aussi, tu peux balancer. C'est un bon chasseur? Ah, c'est un bon chasseur. C'est quoi un bon chasseur? Bon, oui, voilà. Ah, c'est marrant. Bah, un bon chasseur. Quel journaliste français, également présentateur d'Apostrophe, représentait le mal? Bernard avec Pivot. Ses... Non, mais d'accord, on me fait même plus mes questions. Tu sais combien de temps je passe à les faire ces putains de questions? Longtemps. Oui. Quel membre de l'Empire Galactique a particulièrement du mal à faire une phrase sans se faire interrompre par son respirateur? Dark Vador. Bonne réponse. Quelle est la particularité de Nigel Richards, champion du monde de Scrabble francophone en 2015? Il était canadien. Ou américain, attends, il était pas francophone quoi. Il parle pas français quoi. Wow. Il a appris par cœur le dictionnaire. Ah ouais, j'ai entendu ça. Dans quel film sorti en 2010 réalisé par Tom Hooper suit-on l'ascension au pouvoir de George VI alors que celui-ci est bègue? Le discours d'un roi. C'est un sans faute, ouais! Il peut les 5 points pour Bilal. Aurélien, malédiction ou malédiction? Malédiction. Le premier ou le deuxième? Le premier. Ok. C'est ma lédiction. Bah, tu niques ta mère, quoi. Qu'est-ce qu'une lédiction? Une quoi? Une lédiction. Une édiction? Une lédiction. Malédiction. Ça, c'est simple. On sait rien. Je sais pas. Tu es malédiction. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que quoi? Bah, non, mais... Réponds rien, ça va être la bonne Qu'est-ce réponse. Qu'est-ce qu'une lédiction? Mais c'est rien. Bah, voilà, bonne réponse. C'est quand même pas compliqué. C'est pas un mot. Non, voilà. Ouais. C'est tout ce que tu voulais savoir. Je me dis, je passe pour un con, je connais pas ce mot. Julien qui ruine tout. Non, mais réponds rien. C'est la bonne non, parce que je le vois arriver à 2 km. Je cherche. Je suis sûr qu'il écrit. Oh putain, c'est trop bien. C'est trop marrant, mais c'est quoi, Yélix? Mais c'était bien en vrai. Hein. C'est quoi, je me verse. D'après un dyslexique, ouais. Quel ancien membre de section d'assaut chante malédiction? D'après un. Tu fais une vanne. Non mais d'après un dyslexique. Ouais. Tu vois ce que c'est un dyslexique? Ouais. Quel ancien membre, je crois que ma blague personne va la comprendre, c'est pas grave. Non, parce que... Quel ancien membre de section d'assaut chante malédiction? C'est Maître Gims. Malédiction, oui voilà. C'est par rapport à ma direction. Ah mais oh. Dyslexique. Oh, malédiction. Ouais, c'est pas grave. D'après un dyslexique. C'est bien trouvé. Non parce que moi je savais. C'est pas mal. Tu fais chier avec tes dyslexiques. Qu'est-ce que t'as contre? C'est des personnes qui souffrent vraiment dans la vie de tous les jours. Ouais, tu m'as rends service. D'après un dyslexique, que les dictionne un canaro plasticophile? J'aime bien, franchement j'aime bien. C'est du canard en plastique? Bonne réponse. Putain, mais c'est pas sérieux là. Dans quel document officiel? C'est pas sérieux du Putain, tout. Putain, ma mère, j'avais dit que j'avais de la culture, j'avais une mission. Putain de merde. Dans quel document officiel peut-on lire toutes les lois ayant été édictées? Toutes les lois? Genre toutes quoi. Toutes. Donc... Il n'y en a pas une petite qui traîne. Parce que je cherche en fait, alors. Bah, c'est soit le code pénal, soit le code civil. T'es bien alors oui. Alors oui, parce que c'est en fait j'ai peut-être mal posé ma question. Ah oui. Bien joué. Dans quel document officiel peut-on lire toutes les nouvelles lois ayant été dictées? Le code des nouvelles lois. C'est un des deux, du coup, le code pénal. C'est le journal officiel. Ta gueule. Ouais, il me semblait aussi. C'est rien, putain. Et est-ce que t'es content d'être tombé sur ce gros thème de merde? Non. Bonne réponse. Merci. Ça te fait 4 points, t'as donc 24. Ah, c'est sérieux? Pour le code pénal. Il se rattrape toujours à la fin, il a toujours un petit truc pour attraper. C'est bien. Alexis, malédiction. Merci. Ouais. Pour le plaisir. Ouais. Prendre le temps de t'en faire. Pour le plaisir. Je sais pas, t'as combien de points? C'est écrit cette chanson. 18. Je suis sans faute. Là. Sans faute On parie? Vrai Verbère. Non. Quel pharaon est à l'origine d'une malédiction légendaire qui veut que toutes les personnes ayant collaboré de près ou de loin à la découverte de son tombeau soient mortes le mec, dans les quelques micro, années ouais. qui suivent? Bah, tout en comment? Bonne réponse. Le micro, il est là. Tout en camion. Non, mais parce que tu te mets là, tu parles là. C'est ça. C'est une blague que mon père me faisait. C'était dans un Picsou, ça. C'est une blague de routier. Hein. Ouais, bah, il fréquentait beaucoup de routiers. Il lisait des Picsou dans son camion. Ton père. Quel président des États-Unis mit fin à la malédiction de Tecumseh, issu du fait que les 7 premiers présidents élus dans une année se terminant par 0 sont morts avant la fin de leur mandat? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les 7 premiers présidents morts dans une année qui se termine, élus dans une année qui se terminait par 0 sont morts avant la fin de leur mandat. Ouais. Et quel est le premier président à avoir échappé à cette malédiction? Il est connu? Non, il était juste président. Président des États-Unis, il n'a rien fait de plus. Mais il y en a plein qui ne sont pas connus. Roosevelt? Non, c'était Reagan. Il me semblait aussi. Quel animal est maudit sur les navires à tel point qu'il est parfois interdit de prononcer ce mot à bord? Je sais. Tu sais? Oui. Ah, c'est marrant. Mais... Ah, c'est pas une vanne. C'est de lapin. Bonne réponse. Merci. Comme ça. Ça va, il ne faut pas nous rattraper. Okay. Quel club de rugby est connu pour être maudit après avoir perdu 11 des deux finales? C'est marrant, le rugby. À quel âge sont morts? À quel âge sont morts Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix 27. Ou encore Janis Joplin, membre d'un club fictif qui était à la base d'une malédiction? Ça fait donc 4 bonnes réponses pour Alexis. Alexis est donc 3ème avec 17 points. C'est bon, je suis revenu là. Et les deux finalistes sont Bilal et Aurélien avec 29 points et 24 points. Je vais revenir. Bravo. Félicitations à vous. Ouais, tu vas gagner. Donc, Alexis aura tout de même. Tu vas revenir, Alexis? Ouais, je... Si tu joues plus en fait. Des questions, allez hop. Donc, ça va. La finale, voilà, entre, la finale entre Bilal et Aurélien. Ouais. J'ai 26 questions, toutes représentées par une lettre. Qui vont donc de A à Z. Bonne réponse. Yes. Un point pour Aurélien. C'est pas vrai, Bilal. Allez. Bilal, j'ai eu un petit sursaut, genre j'ai loupé un jeu, là, faut que tu me reprennes. Les paroles. Alexis va vous choisir les lettres. Ah, trop bien. Choisis-moi les lettres. C'est le premier arrivé à 5 qui gagne. Oh merde. À 5 bonnes réponses. Sachant que quand vous avez une mauvaise réponse, vous avez le droit de faire appel à Alexis une fois chacun. Oh putain, la chance. Tu fais quoi comme... C'est quoi ton métier? Et si on veut moi, chômeur. Non mais ton presque métier, c'est quoi? Je sais pas trop. C'est quoi faire? Non mais tes études. C'est commerce. Ah ok. C'est bien. Donc si on me demande combien vaut un kilo de pain, je peux t'appeler quoi. Un kilogramme. Bien. Et donc vous avez le droit de l'appeler qu'une fois, donc chômage, ouais. L'appelez pas trop tôt, mais l'appelez pas trop tard. D'accord. T'as pas une petite cloche pour qu'on le sonne? Je t'ai connu meilleur en bruit. Ouais, c'est vrai. Alexis, dis-moi une lettre pour la première question de Bilal. Je vais dire A. Ah putain, c'est original. Quelle marque de champagne est à l'origine de la tradition qui veut que les 3 premiers d'une course de Formule 1 ouvrent une bouteille sur le podium? Donc c'est en A la réponse? Non, absolument pas. Les lettres, c'est juste pour qu'ils choisissent un truc au hasard. Je connais presque. Je dois connaître 2 marques de. On est des prolos, nous. Alors, je connais la Veuve Clicquot et Mouette et Chambon. Mouette et Jambon. Mouette et Jambon, tu vois, le truc. c'est du Mouette et Jambon. c'est trop moche. Eh, mais j'en connais pas non plus. Attends, je vais fait chier à d'autres. Ah si. Oh, James Bond. Moi, ça fait le verre de champagne de mais j'ai pas à répondre sur ça. Non, t'as pas à répondre. Mais c'est trop dommage parce que j'ai bah, oui, je suis sûr que j'ai la bonne réponse. Dis le cidre Loïc Breton, je connais ça. Dis-moi tes gens. La Veuve Clicquot. Non, c'était Mouette et Chandon. T'es sérieux? Ah, j'ai oublié de te demander si vous voulez demander Alexis, c'est pas grave. Non, mais je savais sur des clés. Mais je pensais que ça existait pas parce que vous foutiez de ma gueule. C'est parce que c'est. Oh non, mais alors là, non. Franchement, je suis triste, sincèrement. Je suis même pas déçu, je suis juste triste. Mais t'inquiète pas, je vais répondre mal, moi. Alexis, dis une lettre pour Aurélien. Par contre, F. Ah, merci. F. Putain, pas loin. Comme Fluffer. Ouais, ouais. Ah, une question pute, tiens. Ah. Quel scientifique, inventeur du moteur électrique asynchrone, ouais, était obsédé par le chiffre 3? Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire. Toutes les questions en rapport avec un chiffre, c'est le chiffre 3. Je suis un bon animateur, donc j'ai oublié de le dire avant. D'accord. D'accord. Et pour quelle raison? C'est le comme podium ça avant. Parce qu'à chaque fois, la fin, ça a toujours été avec un chiffre. La première fois, c'était le 4. D'accord, le on l'apprend maintenant. Ouais. Mais tu te rappelles les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, Bill, ou pas? On va te faire foutre. Voilà. Ah, ouais, bon. Indigo, oui. Donc là, c'est tout sur le 3. Avant, il y avait le podium. Parce c'est que, marrant, voilà. Je ne sais pas du tout l'inventeur donc, du moteur de mes couilles. Quel scientifique, je sais pas, inventeur du moteur électrique asynchrone était obsédé par le chiffre 3, ouais, à tel point qu'il faisait 3 fois le tour d'un bâtiment avant d'y entrer? Ah, ouais. T'es pas obligé de m'appeler. Tu sais pas. Dis Léonard, le génie, là. Léonard de Vinci. Non, c'était Nikola Tesla. Moi, je parlais je parlais de la BD, en fait. Ah. Alexis, une lettre pour Bilal. Je vais dire Z. Z. Sachant qu'Alexis... Je suis passé de A à Z comme ça, quoi. Alexis, sachant que tu as le pouvoir quand même d'influencer, par exemple, si tu veux faire perdre Bilal, tu peux lui dire « je connais la réponse à cette question » et ne pas la connaître. Ok. Mais dis-lui, non, voilà, c'est mort, tu peux te faire plaisir si tu veux te venger. Je te considère comme un ami. Aya me filou. Aya me filou. Oh, le gueudin. Bilal, en 2009, quel trio musical anglais a changé le rôle de chacun de ses membres lors de son interprétation de Bliss pour exprimer leur mécontentement quant au fait qu'on les oblige à faire du playback? Oh, ça déconne, je connais rien en musique, moi. Ah, mais je sais pas non plus. Tu peux m'appeler. Donc déjà, ils sont trois. C'est bien, oui. Le thème. C'est pas les Beatles, déjà. Donc, N'oublie pas de m'appeler. Hein. Ça se trouve, il sait, ce connard. Ouais, oui. Ça se voit dans ses yeux qu'il sait. Ouais, mais en même temps, là avec ce que tu viens de dire, ça veut dire que si on l'appelle, il peut dire de la merde. Ah oui, et il a une influence sur la finale, un peu. Il a pas de contrat pour dire les... Mais vous pouvez l'appeler qu'une fois chacun, donc après... Tu sais quoi? Moi, je vais lui faire confiance, parce que je l'aime bien. Ouais. C'est une personne que j'ai appris à connaître au travers des émissions. Il vient de loin pour nous voir, et moi ça me fait toujours plaisir de le voir. Ouais, allez. Donc j'appelle Alexis, Alexis. À la rescousse. Moi je pense que c'est trio. C'était vraiment un enculé. C'était Muse. Oh, l'Oscar. Attends, j'ai pas répondu. Non. À partir du moment où tu donnes Alexis, t'as plus le droit de réponse. Ça veut dire que. Mais non, mais genre Alexis, il est mauvais. Non, mais laisse-le gagner parce que si je gagne. Attends. Parce que. Non, c'est pas ça. C'est que ça, faut le dire avant. Parce que moi je pensais qu'on le disait. Je pensais que c'était le pub. Ah, merci. Non. Aurélien. Il a dit qu'il pouvait nous dire une mauvaise réponse. Je pensais que c'était le public de Jean-Pierre Foucault, là, tu sais, qui donne des. Aurélien, écoutez, je croyais que c'était l'appel à un ami. Aurélien, non, tu donnes une mauvaise réponse. Quand tu donnes une mauvaise réponse, tu peux appeler Alexis. Et Alexis. Bon, bah maintenant que je l'ai utilisé, mon joker, je le sais. Là, t'as même pas donné de réponse avant de l'appeler. Voilà, t'as juste dit je sais pas, j'appelle Alexis en gros. Moi, je t'ai laissé faire. Oui, mais il aurait pu me dire un truc. Et moi, je sais bien que c'est pas trio. Donc j'aurais jamais répondu trio. Mais t'aurais pas répondu Muse pour autant. J'en sais rien, je connais pas grand chose. J'aurais pu répondre Muse. En plus, j'aurais pu répondre Muse. Non mais Non mais c'est juste voilà, je pense qu'il y a un vice de forme. Voilà, il y a un petit problème dans ton jeu, revois-le et puis tu viens nous revoir dans deux mois. Ça marche, merci. Connard, je te jure, si tu réalisais pas, t'aurais déjà dégagé depuis 2 émissions. On se marrerait pas aussi, ce serait chiant. C'est vrai. Il est vrai. Lol. Alexis, une question pour Aurélien. Oui, je veux dire X. Ah bien. En mathématiques. Je sais pas. En mathématiques, comment peut-on savoir si un nombre est divisible par 3? Bah tu lui demandes. Pas mieux. Non, pas toi. Non, je te demande pas. Mais il veut te faire gagner, donc c'est bon. Non, regarde-le, Calimero. Le mec, il a répondu trio. Et vous avez accès. Vous avez dit ouais, on prend cette réponse. Alors, comment savoir si... Tu sais, si vous voulez, répondez Bobby la pointe, hein, ils sont là. Rien à foutre, le gars. Je sais pas. Tu veux demander à Alexis ou pas? Non. Non. Non, ça va. Non, je regarde sur le buzzer. Et... C'était quoi la réponse? On additionne les chiffres qui composent ce nombre et on regarde si ce chiffre est un multiple de 3. D'accord, t'aurais pas su. Si, je pense qu'il y aurait su. J'y connais rien en maths. Okay. Ah putain, j'aurais... Et la tactique. Une question. Par contre, je vous préviens, il y a 26 questions, donc à un moment, vous pourrez peut-être pas arriver à 5. Ouais. Je vous le dis. Bon, allez, moi, je vais dire J. J pour Bilal. Quel artiste chanta en 1961 un fameux 3 mâts fin comme un oiseau? Ah, je sais. Appelle-moi. Il est vieux, il est très vieux, il a 80 et quelques, il est pas mort. Ah merde, oui. Il a le même prénom qu'Aurélien. Non, mais c'est celui qui... Pas du tout, en plus. On disait que c'était le Bob Dylan français. Ah. Peut-être. C'est... T'as un fameux 3 mâts. Non, mais en plus je sais, je le sais. Quand je joue, j'ai pas d'humour, quoi. C'est un truc de malade. Quand c'est une question à moi, j'ai pas d'humour. En plus, je sais même plus. Ah oui. T'as encore 5 secondes. Non, attends, vas-y, non, je te jure que je sais. C'est un vieux avec une barbe blanche. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Le mec qui fait la pub pour les bâtonnets de poisson. C'est le non, ça c'est Captain Iglo. Voilà. Il serait trop chier d'avoir un trou là. Ouais, pas d'humour, vraiment. Le gars, je lui dis couille, il rigolerait pas quoi. Non, même pas. Même pas des crocs. Mange à couille peut-être. Mange à couille, c'est ouais. Un peu marrant. On branle sa coche. Branle sa coche, c'est drôle. Objectivement, c'est marrant. Bon, Bilal, il faut une réponse là. Je sais, putain. Non, tu sais pas. S'en approche quand même. Sur ma vie, je sais. Bah oui, bah t'es mort. Les Connemara. Les bons. Vas-y. Hugo Frey. Ça, je me déteste. Je déteste aussi, là. Alexis, pour Aurélien. Je veux dire le M. Le M. Je dis ouais, on s'en fout, c'est une lettre. Comme je t'aime. Bah, pas moi. Quel type de pâte? C'est quoi le sujet de la question? Mais il n'y en a pas, c'est 3, ça rapporte avec le 3. 3, très bien. Quel type de pâte se brise au moins en 3 lorsqu'on la plie en appuyant sur chacune de ses extrémités? Quel type de pâte se brise au moins en 3? Là, tout de suite, j'ai envie de te dire les spaghettis. Et là, tout de suite, j'ai envie de te dire, bonne réponse. Bah voilà. Ça fait donc un point pour Aurélien. Bilal, tu perds 1-0. C'était bien comme question, putain. Alexis, t'as l'air énervé dans ton regard, Bilal, je sais pas si... Non. Je vais dire B, et je vais en rajouter un. Bébé. Oh, il est fort. En quoi sont faites les trois maisons des petits cochons d'après la version de Disney? Culture. En paille, en bois et en briques. Bonne réponse de Bilal. Bien joué. Un partout. Super. Putain, la culture. Spaghetti, paille, pierre, briques. C'est génial. Allez, vas-y. Allez, je une réponse. C'est. Spaghetti, paille, pierre, briques. En plus, c'est paille, bois, briques. Ok. Quel peuple a envahi la ville de Troie à l'aide d'un immense cheval en bois, d'après la mythologie grecque? Les Grecs. Bonne réponse. Ah, mais là, je suis à. Je 2-1 pour Aurélien. Pour Bilal, Alexis, une chose. Il y avait Achille. Les kebabs. Pardon, Alexis? Je vais dire. G. J'ai pour Bilal. Bilal, quel tableau d'Eugène Delacroix est inspiré de la révolution des Trois Glorieuses de 1830? Attends, la liberté guidant le peuple. Bonne réponse de Bilal. Joué. De partout. Culturiste. De partout. Non, je ne l'ai pas dit très fort, ça va. Alexis. Qu'est-ce que tu n'as pas dit très fort? N. Pardon? N comme Nathalie. N comme Nathalie. Alors, okay. Aurélien. Oui. Qu'a fait John Howard Griffin, journaliste et écrivain américain, pendant 3 mois, en 1959, pour dénoncer le racisme des Américains envers les Afro-Américains? Ah, je sais. Oh, j'ai lu le livre. Tu peux répéter la question, j'écoutais pas. T'as lu le livre? Ouais. Putain. Ah, moi, je suis très... Qu'a fait John Howard Griffin, journaliste et écrivain américain... Oh, tu peux m'appeler. Journaliste et écrivain américain, pendant 3 mois, en 1959, pour dénoncer le racisme des Américains envers les Afro-Américains. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Alors, je ne sais pas, je vais dire une mauvaise réponse, je vais dire... Je suis là. Oui, mais je vais. Bah, en fait, je vais pas dire de mauvaise réponse, je vais appeler Alexis direct. D'accord. Et il s'est peint en noir, il allait vivre dans des communautés noires. Bonne réponse d'Alexis. J'aurais été très loin du pour coup. Aurélien. J'ai une question, hein, une petite question comme ça. Pourquoi tu lui as pas répondu trio? Non, mais je sais pas. Parce que là, il savait, donc il avait envie de briller. Ouais. Il savait, Muse. Il a une gueule à écouter du Muse, ça se voit là. Ça se voit, là. Ça, Muse, il transpire le Muse, lui. Un petit peu de guitare électronique, ça fait du bien. Mais il a une gueule à écouter Muse. Est-ce que vous... Non, mais moi je dis pas que t'as une gueule à écouter du Khaled, c'est dingue ça. Des gens ont dit on dit pas des blancs, ils ont une gueule à appeler. Mais Bilal, là, serre-toi un peu, putain. Je te laisse tranquille. 3-2 pour Aurélien. Bien. Choisis une question pour Bilal, Alexis. Une bonne question bien dure. Je vais dire P. Et je vais rajouter un P. Hein? PP. Oh. Oh non. Et frappe-le. Non, mais là. Tue-le. Bilal. Je suis triste. En France. C'est pas fini pour toi encore. Dans quel établissement? En France, dans quel établissement public les forces de l'ordre n'ont-elles pas le droit d'intervenir sans la colle du... sans la corde, putain. Sans la colle. Putain, on a pas la colle, le mec. Alors. C'est trop con. En France, dans quel établissement public les forces de l'ordre n'ont-elles pas le droit d'intervenir sans l'accord du président de cet établissement? Bah, alors, la paille, le bois... Dans quel pays, ça? Non, en France. Ah, en France. Dans quel Donc, dans quel établissement? Public. Donc il y a des gens qui portent le titre de président d'un établissement. Bah oui, du coup. Président des chiottes, quoi. C'est le mec. Et les chiottes, c'est pas un établissement. Mais non, après. Un établissement public, une bibliothèque, un truc comme ça. Le président de. Et dans quel, tu vois là Président. C'est pas clair comme question. Ouais, c'est vrai qu'il manque quelque chose. Un établissement Il manque la réponse, par exemple. Tu vois. Voilà, c'est ça. Tu veux un type dans d'établissement, quel établissement ou un nom dans quel type d'établissement public? Ah, voilà. Type d'établissement public. Dans les préfectures. Non, c'est dans les universités. Ouais, ce que j'aurais dit. Ouais. Putain, tu veux dire que les flics, ils peuvent pas rentrer comme ça? Sans l'accord du président, non. C'est-à-dire que tu peux pisser partout et tout. Sauf si le président, il dit, venez l'arrêter, tu peux ne pas pisser dans mes placards, s'il te plaît. Mais non, mais t'es à l'université, toi? Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui pissent dans tes placards. Il y a quand même quelqu'un qui s'est introduit chez Biel pour pisser dans ses placards et qui est reparti. C'est une longue histoire, je crois. Enfin, elle est pas longue du tout, en fait. Mais sorry, je vous raconterai après, parce que... Ah non, mais il y a des gens qui veulent savoir. Les Français veulent savoir, Biel raconte. On a retrouvé de la pisse dans des plats, dans mes placards. Et on sait pas. On sait pas d'où ça vient. Quand tu m'as dit ça, j'ai cru que je rêvais. Hein. Bah, moi aussi, quand je l'ai senti, j'ai bien cru que je rêvais. Ouais, en fait, non. Putain, et donc... Bah, je dors avec un couteau. Voilà. Un couteau à steak. J'ai peur. Non. Ouais. Ah, je te jure. Hein. C'est pour ça, là, maintenant, je ferme bien. En plus, là, je suis tout seul en ce moment chez moi, donc j'ai peur. Quoi. Ah, je peux venir. Faire quoi? Je sais pas. Ouais. C'est chier dans tes plats. Oh, non. Bien, ça fait donc 3-2 pour Aurélien. Aurélien, tu peux avoir 2 points d'avance. Ah, oh, putain. Mais attends, je tiens à dire quand même. Oui, c'est un connard. Qu'il y a un truc qui va pas là. Oui, c'est un. Dans ton... On n'est pas à égalité, il y a une injustice. Bah, pourquoi? Toi, t'as plus de culture que moi. Parce que le. Bah, non. Bah, si. Il y a écrit ça nulle part. Bah, attends, 2 secondes. Non, mais en vrai. C'est quoi qui est injuste, Milel? Dis-moi tout. Que cette personne. J'influence, moi. Non, t'influences pas, tu donnes une mauvaise réponse et on accepte ta réponse comme la mienne. Qu'est-ce que tu as demandé d'aide d'Alexis? J'ai demandé, quand ils appellent un ami chez Jean-Pierre Foucault, mais on est pas chez Jean-Pierre, c'est Foucault. Pas l'ami, il dit pas la réponse, c'est ça. Déjà, ils sont pas chez lui. Hein. Il faut la validation. Il faut la un ami, moi je vais vous dire les choses. Il faut la validation du candidat. En tant que candidat, si j'étais moi-même président. Bon, donc question Q. Président de l'émission. Quel film de Luc Besson a 3 versions différentes, dont une spécialement réalisée pour les Américains avec une fin plus heureuse? C'est pour moi ça? Putain, j'ai vu aucun film de Luc Besson, je crois, à part le cinquième élément. Je donne un indice, c'est pas Taxi 4. Non, mais je me doute que c'est pas Taxi 4. Non, mais oui, non, mais ça va. Le mec, il me donne des indices, oui. Je sais pas. C'était l'humour. Il a fait plein. Non, mais c'est pas drôle. Parce que je réfléchis, moi aussi, quand je réfléchis, je suis pas marrant. Lucie. C'est Léon, non? Ouais, non, c'est Le Grand Bleu. Ah, Le Grand Bleu, ah, oui. Il meurt pas à la fin de la version américaine. Il remonte à la surface. Bah, merci en tout cas. C'est vraiment des merdes. Je n'ai pas vu. Merde. Ouais, mais non, mais Le Grand Bleu, il y a un moment, non. C'est bon, il y a la présomption. Prescription. Merci. Prescription. Je sais pas. Prévenez quoi. Présomption de prescription. Mais tu regarderas la version américaine, comme ça, tu ne meurs pas à la fin. Dans l'autre version, du coup. Il meurt peut-être. On ne sait pas. Peut-être. Il meurt pas, mais en moins bien, quoi. Non, mais il reste dans nos cœurs. Alexis, une question pour Biel. R. R. J'aime trop parce qu'il réfléchit. Il se concentre alors, l'alphabet, ça... R. Muller. R. R. Muller. Dans quel pays fondé en 1948, les 6 numéros du loto ont été identiques à 3 semaines d'intervalle en 2010? Je sais. Tu veux m'appeler? Il sait pas. En 1948? C'est ça, 1948. Ça a été fondé, le pays, en 1948. Israël. Bonne réponse. Wow. Ok. Bah, je suis niqué. 3-3. Une question pour Aurélien. Égalité. D. Aurélien. D quoi? Tes pattes. Alors Aurélien, je vais te demander toute ta concentration. Tu as toute mon attention. Concentration vers... Quel président de la 3ème République a épousé une femme car il était attiré par la mère mariée de celle-ci avant d'avoir une relation avec la sœur de son épouse qui est donc la fille de la femme dont il s'était pris à la base? Un mec du Nord, probablement. Donc en gros, à la fin, il se faisait la mère, la fille et sa sœur. C'est un président de la République française. Oui, la 3ème République. De la 3ème. Alors, je sais même pas quand c'était la 3ème. De vraiment être joli dans la famille. C'était avant la 4ème et après la 2ème. Ah ouais? Connard. Je dirais John Lennon. et René Coty, c'était un président? Oui, mais pas 4ème, pas 3ème. Ça, tu sais pas. Si, si. Ah, tu le sais? Ouais, bah j'ai dit la réponse de toute façon, donc je sais pas. Oh, c'est pas? C'est Adolphe Thiers. Eh ben, je sais même pas qui c'est. D'ailleurs, c'est marrant, ce thème, c'est trop. Ça fait un peu Adolphe. Il y a quoi que ça fait rire. C'est pas grave. Vite, ça fait Adolphe. Trois partout, donc entre. Vends là ta vanne, vends là. Non, j'ai pas envie d'avancer. Faut pas que les gens essayent de la deviner. Oh, Thiers. Oui, Thiers, un Thiers. Oh putain, t'es fort, t'es fort. Attends, venez, on fait comme si il venait pas de se passer ça, puis on rigole avant. Oh, bah, comme. C'est pour ça que t'as utilisé Adolphe Thiers, vu que c'est. En fait, c'est en trois. Troisième République, il avait trois femmes. Non, franchement, pas. Adolphe Thiers. Parce que c'est il aurait pu manquer qu'il se laisse à 3. Oh putain. Alexis, non, choisis une question d'Adélaï. Écrit du spectacle. Ah, en fait, tu vas baisser. Ça sert à rien que j'ai mis un or. En fait, j'aurais pu faire dans. Je préférais ma vanne, tu vois. Genre Adolphe Hitler. Ça fait Adolphe Hitler. Bilel, Grand fan de musique. Oh non, s'il te plaît, putain. Là. Quel élément chimique ayant pour numéro atomique le 3 est également le titre d'une chanson de Nirvana issue de l'album Nevermind, sorti en 1980. Nevermind. Ça peut être de la chimie. Genre Comme As You Are. Non, on n'a pas, pas. L'élément chimique Comme As You Are. Non, les mecs, ils écoutent pas le même truc que moi, quoi. Non, franchement, c'est honteux, quoi. Je tirais du proton. C'est c'est Marilou, quoi. Bon, l'imitateur. Alors, en 3. On n'est pas pyramide là. qu'est-ce que. Yeah, silver. Wanna find my gold. En 3. Mais c'est bon. Ça, c'est silver. Du trillium. Oxygène. Bah non, c'est pas ça. C'est pas mal, oxygène. Ah non, mais c'est pas. Alors, bon, tu peux répéter la question, s'il te plaît. Je sais même pas ce qu'il faut. Non, mais j'ai besoin d'entendre les rondeurs de sa voix. Quel élément chimique ayant pour numéro atomique le 3 est également le titre d'une chanson de Nirvana issue de l'album Nevermind, sorti en 1992, Bilal. Waouh. Donne-moi la bonne réponse. Je vais demander. Le plomb. Yeah, plomb. Enfin, il est juste en anglais, du coup. Le radium. Le plomb, quoi. C'est tout ce que t'avais. Mais c'est pas poétique, le plomb. Le lithium. C'était lithium. Je sais pas. Attends, c'est pas ma réponse, hein. Ah, c'est sol. Le plomb. Il bave, le mec. C'est vrai que c'est nul, le plomb, quoi. Non, je... Ça peut être... Attends, je vois bien, ça pourrait rimer avec My Son, le lithium. Niquez vorace. Niquez vorace, quoi. C'est pas le plomb. Voilà, ah, tu trouves? Non, mais... Le lithium? Non, mais non, mais ta gueule, Marie te l'a dit. Non. Non, mais... Le plomb... Mais c'est ce qui constitue les batteries d'ordinateur portable. Merci. Merci. Donc, Bilal, c'était voilà. Le lithium. Non, parce qu'on peut pas oublier... C'est que ça me fait 4, là. Non, ça te fait 3. Oublier les terreurs. Choisis une question pour Aurélien, s'il moi, te plaît, Alexis. Deux, moi, hein. Moi, non, vous avez... Il y a 3 partout. Ah, 3 partout. Je veux dire, le cas... Le cas. Ça fait beaucoup, t'es dans un même week-end. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que le mec, à chaque fois, il augmente, tu vois. Ouais. Bah, d'abord 2. Aurélien. Ouais. Dans quel pays asiatique une personne peut-elle être condamnée au travail forcé sur 3 générations? Corée du Nord. Non, mais c'est... Qu'est-ce qu'il fout là, ce gars? T'as pas un paravent? Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu le pays auquel je pensais quand... Ouais, mais c'est normal. Bah oui, mais le truc, c'est... J'en sais rien. Mais moi, je vais dire Corée du Nord. C'est une bonne réponse, Aurélien. Ouais, mais je me sens souillé, là. Mais t'as de quoi? Aurélien, t'as une bonne réponse de la victoire finale. Bah ouais, mais bon. Non, mais les gens, ils vont croire alors, que... Je tiens à préciser que c'est... Voilà. Je tiens à préciser qu'il y a quand même ce mec-là qui lui donne des bonnes réponses depuis tout à l'heure. Mais ta gueule, je savais, Corée du Nord, enfin. Et quand il a une chance de me donner une réponse à moi, il dit trio. Pourquoi trio, en plus? Ils sont 3. Ah ouais. Ils sont 3 trios. Bah, trio, c'est ça. Bah, trio, ils sont pas 3. Pas sûr qu'ils soient 3, non. Non, non, ils sont pas 4. Ils sont juste cons, en fait. Mais ouais, ils voilà. S'appelaient... Non, c'était bon. Peut-être le nom du groupe n'a pas de rapport avec le nombre. Résistance. Voilà. Ouais. Ils sont pas 3. Ah, moi, je résiste non. À ceux qui résistent, quoi. Non, mais je savais la Corée du Nord, les mecs. Choisis une oui. Question pour Bilal, s'il te plaît. Non, c'est un problème, c'est... Je vais dire le S. Le S. Bilal, quel multiplicatif d'origine latine suit le bis dans la numérotation des rues françaises? Terre. Bonne réponse de terre, Bilal. Terre. 4 partout. Aurélien, tu réponds bien à cette partout, question. Beaucoup, 4 partout. Aurélien, tu réponds bien, t'as gagné. Ah ouais, bah dommage. Choisis une question pour Aurélien. Attendez, ici. On fait une règle. Il ferme sa gueule. Si lui, il parle, on le jette par la fenêtre. Je dis le W. W. Un petit peu d'anglais ne fait pas de mal. Un petit peu seulement. c'est pas marrant. Aurélien. Oui, allez. Quel trio de comiques joue les rois mages dans le film éponyme sorti en 2001? En plus, je peux me gourer. Parce que. Les inconnus. Ah, c'est bon. C'est une victoire d'Aurélien Marmet. Oh, c'est magnifique, magnifique. Ouais, 5-4, gros match. Je suis fier. Beaucoup de pression. Il a quitté la salle. Bien, il est parti. On change en fin de vainqueur. C'est pas juste. Trio, quoi. Non, mais merci à vous d'avoir perdu. Bilal, je suis tellement habitué que ce soit Bilal qui gagne. Bah ouais, mais ça va, t'as déjà gagné 2 fois. Tu vas gagner un 3-3 en plus. Bah ça va, je suis réglo. Toi, oui, mais pas t'offres quoi? Non, mais la victoire de la musique, je l'ai pas amené pour de vrai en plus, par contre. C'est pour l'honneur. L'honneur, oui. Attends, t'en as, toi. Un toi, petit non. Mot, Aurélien, pour ta mine. Bah, non, mais juste merci d'avoir perdu, et puis merci à Alexis. De rien. C'est beau. C'était pour m'excuser du Léoporn. Voilà, bah, tu t'es excusé. Ça sorti de son contexte. Ouais, non, mais bravo, merci. Un doigt dans les fesses. Non, non, c'est bon, c'est fini. Arrête. Tu t'es excusé. Biel, tu perds ton titre. Triche. Triche. Pour parler. C'est un ou deux mots, du coup. Voilà. Non. Coupe, coupe. On va couper avant. Dis au revoir. Et puis... Non, alors, je tiens à remercier la personne qui a écrit toutes ces questions, magnifiquement ouais. posées. Ouais, cependant, ça. Le fait que cette personne soit elle-même arbitre du jeu pose un souci. Car il y a forcément des soucis par rapport au fait que je parle beaucoup. Voilà, donc je voulais vous remercier d'avoir suivi cette troisième des émissions à tous. De rien. De rien. Ouais, ouais. Ah, parce que, oui, parce que vous êtes les trois seuls à avoir écouté, je crois que ça sent. Je voudrais remercier Bilal, qui réalise tout de même et qui fait des vidéos très drôles sur YouTube. Ouais, on verra si je réalise. Drôle. Drôle, ouais, non, des vidéos. Sur des séries. Faites-vous plaisir, hein, les vidéos, je vous laisse parler. Fais ta pub un peu, ah, là. Parce que c'est de la merde, objectif. Il y a des gens qui aillent voir. Il y a plus de saison, ça s'appelle, c'est ça? Oui, c'est des vidéos sur des vieilles séries télé. La dernière vidéo en date est sur Code Quantum. Elle est vraiment super bien, franchement. C'est vrai? Ouais, ouais. Franchement, j'ai bien aimé, moi. Le moment c'est vrai, où... Après, j'ai... Ouais. Même moi aussi, je viens de... Le moment où... Le moment, ouais. Ah ouais, celui-là, ouais. Mais attends, quand... Et tu y attends pas trop, c'est vrai. Merci. Je voudrais remercier aussi Charlie qui m'a aidé à écrire les questions. Qui a... Ah, Charlie bon, a fait quelque chose de ça. C'est pour ça, oui. C'est pour ça, les niveaux. Le café, c'est bon. C'est Charlie le café. Là. C'est vrai qu'il est très énergique. Et je voudrais remercier Marie-Lou qui a fait la régie pendant toute l'émission. T'as un mot, Marie-Lou, à dire? Un coucou à ton papa, peut-être, qui nous écoute? Merci, Marie-Lou. En fait, vous venez juste pour m'humilier, en fait. C'est le but, c'est ça. Il y a pas de... On n'a rien fait, nous. On n'a rien fait. Salut, petit papa. Pourquoi salut, mamie. Et tout. Ouais, voilà. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu ce qu'il vient de faire? Non. Quoi? Laissez qu'on ait un ennemi en commun pour qu'on devienne un peu oui, amis. C'est ça. Et Bilal, t'as vu, là? On est copains. Tu m'en veux pas pour ce que j'ai fait? Voilà, donc je voulais merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. On se rejoint le mois prochain pour une nouvelle des émissions. Oui. Je vais essayer de changer un Youpi. Peu parce que les trois gueules ouais, de con, j'en peux plus. Là, mais... Ah bah moi j'en pouvais encore. Ah non. Mais tu seras la bille. De toute façon, tu réalises, j'ai pas le choix, t'es obligé d'être là. Et Aurélien, en tant que tenant du dit, tu es officiellement invité à la quatrième des émissions. Cool, je suis très content. Merci. Non, ça va, ça va. Ça va. Voilà, merci à tous. C'était du porno. Ah. Merci à tous et gardez la pêche. Et n'avalez pas le noyau. Merci Alexis. Connard. C'est scandaleux, les gars.